Les journaux de divers pays ont traité spécialement le 64e anniversaire de la grande victoire coréenne dans la guerre de libération de la patrie. Le Laotien Kontapa Sasun Lao, le Tanzanien Uhuru et le Péruvien La Patria d'août ont exposé le portrait en sourire du président Kim Il-sung et ses photos et les articles sous les titres comme « Stratège militaire incomparable ». L'Égyptien Al-Aoubado Al-Masai a exalté le peuple coréen qui remporte de siècle en siècle la victoire dans le duel contre les États-Unis en manifestant le prestige de la puissance nucléaire et militaire d'élite grâce aux grands hommes sans pareil. Le Bangladais Daily Nowroz a présenté un écrit sur l'incident du navire espion armé américain Pueblo qui a enregistré une défaite honteuse dans l'histoire d'agression des États-Unis contre la Corée.